Il y a un petit nombre de verbes qui, en italien comme en français, peuvent être suivis de l'infinitif d'un autre verbe, c'est-à-dire de la forme en are, ere ou ire. Ces verbes, je les appelle porte-manteaux parce qu'on peut y accrocher des infinitifs. C'est le cas du verbe potere, pouvoir. Vous pourriez dire, par exemple, je peux le faire. Posso fare. Je peux le faire. Posso farlo. Posso farlo, oui. Vous pourriez dire aussi, je ne peux pas le faire maintenant. Non posso farlo ora. Voilà, oui. Non posso farlo ora. Comment dit-on aider? Aiutare. Aiutare, oui. Rappelez-moi comment on dit je vous aide. La aiuto. La aiuto. Là, il s'agit d'une affirmation. Mais si on veut poser une question et dire je vous aide. La aiuto. Très bien. La aiuto. Dans les questions, on fait monter la voix. La aiuto. Vous pouvez aussi vous servir du verbe potere et demander « Puis-je vous aider ?»« Je peux vous aider ?» D'abord, comment dit-on « je peux » ?« Posso ». ».« Posso ». Vous savez que « posso »,« je peux » est forcément suivi d'un infinitif, de la forme en « are »,« ere » ou « ire ». Donc, « je peux vous aider ?» se dira posso aiutarlo, aiutarla? Ou alors, la posso aiutare? Oui, la posso aiutare ou posso aiutarla. Maintenant, comment dites-vous comprendre? Capire. Capire, oui. Capturer le sens de quelque chose. Comprendre, capire. Rappelez-moi. Comment on dit « je comprends » Capisco. Capisco. Et vous comprenez ? Capisce. Capisce, capisce. Et je le comprends. Lo capisce. Je le comprends. Lo capisco. Lo capisco. Dites maintenant, je ne le comprends pas. Non lo capisco. Non lo capisco. Non lo capisco. Et je vous comprends? Le capisco? Non, ça c'est à vous. La capisco. Bien, la capisco. Je vous comprends ou je la comprends. La capisco. Les, c'est vous, au sens de à vous, comme dans je vous parle, les parlo. Maintenant, comment diriez-vous je ne vous comprends pas? Non la capisco. Non la capisco. Comment dit-on trouver? Trovare. Trovare. Trovare, trouver. Et chercher se dit cercare. C-E-R-C-A-R-E. Le premier C se prononce CH parce qu'il est devant un E. Mais le deuxième se prononce QUE parce qu'il précède un A. Cercare. Vous allez dire maintenant je le cherche, mais je ne le trouve pas. Cerco, ma non lo. Répétez le verbe, s'il vous plaît. Cerco. Attention à l'accentuation. Au présent, on n'insiste pas sur la fin. Cerco. Cerco, oui. Mais j'avais dit « je le cherche ». Lo cerco. Lo cerco, oui. Et si vous voulez dire plus précisément « je suis en train de le chercher », lo sto? Lo sto cercando. Très bien. Lo sto cercando. Lo sto cercando. Je suis en train de le chercher. Et maintenant, dites-moi, je suis en train de le chercher, mais je ne le trouve pas. Lo sto cercando, ma non lo trovo. Non lo trovo, c'est ça. Lo sto cercando, ma non lo trovo. Alors, à vous maintenant. Redites-moi, je le cherche, mais je ne le trouve pas. Lo cercando. Non. Lo cercando, ça ne veut rien dire. Lo cerco, ma non lo trovo. C'est ça. Lo cerco, ma non lo trovo. Au lieu de lo cerco, je le cherche, vous pouvez aussi vous servir du verbe devoir, dovere, suivi d'un infinitif. Par exemple, au lieu de « je le cherche », vous pourriez dire « je dois le chercher », ce qui donnerait « devo ». « Devo », oui. « Devo lo... » Non. « Devo cercarlo ».« Devo cercarlo », absolument. « Devo cercarlo », je dois le chercher. « Devo cercarlo » parce que je ne le trouve pas. Comment diriez-vous ça? Perché non lo trovo. Voilà, oui. Devo cercarlo perché non lo trovo. Maintenant, dites-moi, pouvez-vous me dire où il est? Può? Oui. Può mi dice? Alors, potere est comme pouvoir. Ce qui suit est forcément... un infinitif. Può dirmi? Voilà. Vous voyez que ce n'est pas difficile. Può dirmi, tout simplement. Alors, reprenez la phrase en entier. Pouvez-vous me dire où il est? Può dirmi dov'è? Può dirmi dov'è? Dov'è? D-O-V apostrophe E accent grave. Vous allez me dire maintenant... Voulez-vous me dire où il est? Vuole dirmi dov'è? Bien! Vuole dirmi dov'è? Vous voyez que volere est lui aussi suivi d'un infinitif, comme potere et dovere.